passer derrière cette bagnole? Suivez-moi. Cette bannière a déjà 11 ans d'existence. Elle a été créée en 2005 à Dallas, au Texas, encore un super concept américain. On est déjà plus d'un million dans le monde à avoir notre petite bannière Yushin Bekir et la société dépasse le milliard de chiffre d'affaires rien que cette année. Si on prend juste le continent asiatique, ils ont quand même 80 000 nouveaux membres par mois. Donc c'est clair qu'il était temps que ça arrive dans notre super continent et surtout dans notre merveilleux pays. Et donc je vais vous expliquer tout ce qu'il y a derrière cette mystérieuse bannière. Et c'est vrai que cette bannière fait un tel buzz médiatique qu'au final, toutes les plus grandes célébrités de la planète soutiennent le projet. Comme on peut le voir par exemple en haut à gauche, la troisième plus grosse fortune du monde, monsieur Warren Buffett en personne, ou encore Anthony Robbins en haut à droite, Samuel Jackson, Katy Perry, Avicii, Rafael Nadal. Même des joueurs de la NBA comme Shaquille O'Neal qui rejoignent le club en tant que membre, ou encore Richard Branson, Robert Kiyosaki, 50 Cent. Et du coup, moi j'ai découvert cette petite bannière en Australie l'an dernier, et à partir de là, je suis partie à Bali, à Dubaï, à Chypre, en Grèce, en Espagne, en Italie, à Hawaï, au Texas, en Floride, aux Bahamas, et tout ça en l'espace de 11 mois seulement, grâce à cette petite bannière You Should Be Here et du coup au club qui s'appelle Dream Trip. Donc voyage de rêve, club de voyage VIP. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Dream Trip, ils ont raflé quand même 17 Oscars en l'espace de 4 ans seulement au World Travel Award, aux Oscars du voyage. Et donc, comme dans tout Oscar, vous pouvez voir les nominés. Et dans ce cas-là, vous verrez Booking, Expedia, Opodo, eDreams, Travelocity, un petit peu toutes les agences de voyage en ligne qu'on a l'habitude d'utiliser. Et c'est là qu'on se dit, mais attends, ils sont numéro un monde depuis autant d'années devant tous ces sites qu'on connaît tous et on n'en a jamais entendu parler. Comment ça se fait? Déjà, il faut bien prendre conscience que le développement en Europe arrive que maintenant. Et en plus de ça, c'est là que vous allez comprendre vraiment tout le fonctionnement de cette petite bannière et du club, à savoir fonctionner sous forme de club privé, sur invitation uniquement. C'est-à-dire, regardez notre cas aujourd'hui. C'est bien quelqu'un qui vous a envoyé ce lien et cette petite vidéo. Et donc, effectivement, à la société, ça leur a coûté zéro en com, zéro en pub, zéro en marketing, zéro en frais d'agence, d'employés, d'électricité, les employés qui coûtent entre 2 à 4 fois plus que ce qu'ils touchent pour leur employeur. Et donc, forcément, toutes ces économies vont se répercuter sur le prix pour le client final, en l'occurrence nous, premiers bénéficiaires, et c'est avec ce concept qu'ils ont conçu Dream Trip. Que des voyages de luxe à prix de rêve. Pourquoi de luxe? Parce qu'au final, tous leurs partenaires sont que des hôtels 5 étoiles, et le prix de rêve qui est rendu possible grâce à ce fonctionnement de club privé. Et donc effectivement, tout le concept du club repose sur le fait que ce soit un club privé sur invitation uniquement. C'est-à-dire pas de communication, pas de publicité, pas de marketing, pas de point de vente et pas de force de vente. Mais il y a une autre variable qui entre en jeu et c'est le fait qu'ils achètent en lot. C'est-à-dire, je sais pas, vous voulez venir ici à Barcelone, au W Barcelona. Au lieu de venir peut-être à deux et d'acheter plein tarif, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter en lot. Mettons 20 chambres, 30 chambres, 50 chambres, 100 chambres pour la même semaine ou le même week-end, exactement aux mêmes dates. Et du coup, l'impact pour vous à l'unité, c'est que ça vous revient encore moins cher. Et donc sachez qu'on n'est pas commerciaux, on n'est pas agent de voyage, on n'est pas rémunéré au fait que vous partiez en voyage ou pas, on est simplement là pour vous faire partager ce super concept. Et sachez qu'on est membre du club et comme tout membre du club, on a notre propre site de réservation, que ce soit sur ordinateur, téléphone ou tablette, sur lesquels on effectue nos propres réservations. Et donc on va vous donner quelques exemples de Dream Trip pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés à Cancun ou qui aimeraient aller à Cancun un jour. Mais pour vous donner un ordre d'idée, 5 jours, donc 4 nuits, au Hard Rock Hotel 5 étoiles Cancun, chambre de luxe, le prix du marché sur par exemple un site comme hotel.com, que je pense que vous connaissez tous au moins de nom, on est sur du 4 700 $ les 4 nuits. Et encore au moment où je regardais, c'était en promotion à 3 200 $, comme vous le voyez, pour 4 nuits, taxes et frais compris. C'est vrai que c'est très sympa de le préciser. Et garantie du meilleur prix, ce qui est vrai, Booking était plus cher, Expedia encore plus. Et le site de l'hôtel hardrockhotel.com, je vous en parle même pas. Donc bienvenue dans les prix du marché pour du 5 étoiles à Cancun. Et à côté de ça, Dream Trip, c'est quoi? Ben, ça va être exactement la même chambre, exactement le même hôtel, exactement la même date, pour exactement la même durée, mais pour seulement 789 $. Et donc c'est vraiment là qu'on se rend compte de l'impact de pas de com, pas de pub, pas de point de vente, pas de force de vente et du coup de l'impact sur le tarif final. Et en fait, si vous voulez, un Dream Trip, il n'y a personne sur la planète qui propose ça. C'est pas des vacances, c'est pas un package, c'est pas un tour opérateur, c'est vraiment un trip de rêve. C'est-à-dire un Dream Trip, comment ça va se passer? À peine vous allez sortir de l'aéroport, par exemple, il va y avoir le staff qui va vous attendre avec la bannière, qui va vous embarquer dans les transferts aéroports privés, qui va vous déposer devant l'hôtel 5 étoiles, le groupe va venir chercher vos vos bagages. Ce qui va se passer quand vous allez rentrer dans l'hôtel, vous n'allez pas faire la queue à la réception comme tout le monde. Vous avez votre petit check-in VIP privé avec cocktail de bienvenue, cadeau de bienvenue. Vous allez rentrer dans la chambre de luxe avec une bouteille de champagne, une bouteille de vin, une corbeille de fruits, le mini-bar inclus. Chaque Dream Trip inclut des choses différentes, par exemple tous les repas, les activités, carte en crédit d'hôtel à utiliser dans tout l'hôtel, en spa, en massage, en room service, en tout ce que vous voulez. Et tout ce traitement VIP tout inclus pour le même prix. Et c'est là qu'on réalise vraiment pourquoi ça s'appelle un Dream Trip. Et sachez que des Dream Trips comme ça, rien que cette année, il y en a plus de 11 000 tout autour de la planète, toutes les dates, tous les budgets, toutes les destinations, vraiment pour toutes les envies. Et ce qui est génial, c'est que dans chacun des Dream Trips, on peut emmener des personnes extérieures au club à venir avec nous. Que ce soit amis, famille, voisins, vraiment qui on le souhaite, ils profitent du même prix et des mêmes avantages que nous. Et en plus de ça, ils fonctionnent avec un système de points que vous voyez dans le petit cercle juste ici, que l'on peut appliquer jusqu'à 420 points. Donc sachez juste pour l'instant, retenez simplement que 1 point égale 1 dollar. Et je vous explique comment gagner des points juste après. Et donc l'intérêt de ces points au final, c'est simplement de les déduire du prix initial. C'est-à-dire, au lieu de partir pour 789 dollars, qui est déjà un prix canon comparé au prix du marché, surtout vu ce que ça inclut, eh bien vous, vous déduisez les points en tant que membre et donc vous ne partez plus que pour 369 dollars. Maintenant, toutes les personnes qui vous accompagneront, étant non-membres, eh bien elles partiront pour 789 dollars avec les mêmes inclusions que vous et les mêmes avantages que vous. Ou alors, vous avez tout à fait la possibilité de partager vos points si vous le souhaitez. Cette décision vous appartient. Et si par exemple, vous voulez partir en couple à deux, mettons, et que vous souhaitez partager vos points en deux, ça vous reviendrait pour vos 5 jours, 5 étoiles, tout inclus à Cancun, pour moins de 500 euros par personne en faisant la conversion. Donc, au final, sur le pseudo meilleur prix d'Internet, on économise bien plus de 2000 dollars, sachant que tout à l'heure, c'était que l'hôtel qui était inclus, alors qu'ici on parle aussi des transferts, des repas et du côté all inclusive avec activités, etc. Et donc rien que cette année, plus de 11 000 Dream Trips comme celui-ci disponibles. Par exemple, aller skier au Canada, aller passer quelques jours romantiques à Singapour, nager avec les dauphins, l'entrée au Sentosa Park, qui est juste le plus grand parc d'attractions de la planète. Aller voir les aurores boréales en Norvège, 429 dollars moins de 300 points. Ce qui vous revient à vous en tant que membre pour 129 dollars, pour 100 euros les 4 jours, 5 étoiles, tout inclus avec transfert. Ça y est, c'est booké, on se le fait en novembre. Allez voir les chutes Victoria et je vous laisse vous arrêter une seconde sur le prix, moins les points. Voilà. Dream Trip, en fait, ça serait comment rendre le rêve accessible à tous. C'est un petit peu ça qui est génial. C'est vrai qu'en général, le 5 étoiles en France, c'est assez tabou. Pourquoi ? Parce qu'au final, je pense que les gens, ben, et moi incluse, moi la première, on n'a jamais pu trop se le permettre. Sauf que là, clairement, le club nous le sert sur un plateau d'argent. Après, par exemple, aller faire du surf à Hawaï, voir les baleines en Nouvelle-Zélande, aller à Puerto Rico. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi des Dream Trip à thème. Sachez qu'il y a plus de 70 thèmes différents, comme par exemple spa, safari, croisière, famille. Si on s'arrête deux secondes sur la croisière, 469 dollars moins 330 points, on part pour 100 euros, 12 jours, 5 étoiles, tout inclus dans les Caraïbes. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Et il y a un cran au-dessus qui s'appelle les Monster Mega Dream Trip. Où en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ils privatisent tout l'hôtel 5 étoiles. Et qu'il y a 2000 personnes du club qui débarquent passer 4 jours de folie tous ensemble. Et c'est quelque chose juste d'incroyable. Et c'est ce qu'on a pu vivre pour la première fois en avril. Ils avaient privatisé tout le Westin Resort Costa Navarino, qui est honnêtement le plus bel hôtel dans lequel j'ai jamais été. Et sachez que le prix d'une nuit est à 360 euros la nuit. Il y a, on y était 4 jours tout inclus pour 219. Regardez, dans chaque chambre, piscine privée à débordement. Je n'ai absolument jamais vu ça. Et donc là, ils avaient privatisé l'hôtel entier, 2000 personnes du club qui sont venues le temps d'un week-end pour passer 4 jours tous ensemble. Et on était 40. Et ils proposent aussi tout ce qui est Dream Trip Sport, à savoir Champions League, NBA, Formule 1, NFL, les 50 ans du Super Bowl par exemple qui viennent de passer. Foot. Tous les gros événements sportifs, tout sport confondu. Et tellement ils sont sûrs de leurs produits, tellement c'est les seuls à avoir ce fonctionnement incroyable, ils vous proposent la promesse suivante. Quand vous bookez un Dream Trip, si dans les 7 jours vous trouvez moins cher ailleurs, ils vous remboursent à 100% et vous partez gratuitement, vous et toutes les personnes qui vous accompagnent. Et une partie vraiment touchante, c'est la fondation. Dans le sens où, contrairement à toutes ces assos, où au final on envoie de l'argent, on ne sait pas trop où ça va ni ce qu'ils en font, là, ce qui est génial, c'est que c'est nous qui y allons. C'est nous qui allons sur le terrain, au contact des populations défavorisées du monde entier, donner de notre temps sur un projet concret humanitaire qui fait la différence. Donc ultra enrichissant humainement parlant, ils en proposent aux quatre coins de la planète. Et on a fait notre premier en janvier, et c'est vrai que quand on prend cette claque, ben, on n'a qu'une envie, c'est juste de vite faire le prochain. Et Oprah Winfrey soutient la fondation, donc plutôt encourageant aussi niveau crédibilité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, chaque membre du club a son propre site de réservation. Avec un côté Book and Dream Trip, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de voir, que ce soit les Dream Trip, les Welcome, les Monsters, les Volants Tourisme pour la partie All Inclusive, ou alors il y a une autre partie qui est totalement dissociée et qui n'a absolument rien à voir avec la première, qui est une partie à la carte, comme ce qu'on a l'habitude de connaître sur tous les sites en ligne de réservation que l'on a l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire par exemple, booker juste un vol, même un Bordeaux-Paris, booker juste un hôtel, même un Campanile ou un pas étoilé du tout, donc même pour vos déplacements à l'échelle nationale, ça peut être super intéressant. Au niveau des locations de voitures aussi, ils sont très compétitifs, les activités, par exemple les pingouins à Dubaï, on l'a booké là-dessus, le tour en hélicoptère à Orlando nous a coûté 20 € par personne, le zoo à Sydney aussi, on l'a booké là-dessus, énormément d'activités sont proposées sur le site. Tout ce qui est croisière, location de maison, d'appartement, de villa, pour ceux qui ont l'habitude de partir entre amis ou en famille chaque été par exemple, vous pouvez très bien trouver des locations pour la semaine pour 8 sur la côte à 400 €. 400 € pour les 8 personnes. Et des locations comme ça, vous en avez un petit peu partout en France, en Espagne, en Italie. Donc ultra intéressant à ce niveau-là aussi. Et sachez que pour cette partie-là, si jamais vous trouvez moins cher ailleurs, le club vous rembourse 150% de la différence. Donc vous gagnez de l'argent à trouver moins cher. Et si jamais le prix descend tout seul d'ici à ce que vous partiez, le club vous rembourse automatiquement la différence au fur et à mesure. Et donc, comment devient-on membre du club? Eh bien, comme tout club, il y a une adhésion. Le niveau standard qu'ils appellent Gold est à 200 $ d'entrée et 49 $ par mois. Et avec ça, ça nous donne accès à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, il y a un niveau upgradé qui s'appelle Platinum, que la majeure partie des membres du club ont, du fait que ce soit gratuit, et je vous explique ça dans une seconde. Ce niveau-là est à 300 $ d'entrée et 99 $ par mois. Avec l'abonnement Platinum, on a des avantages en plus à chaque Dream Trip que les Gold n'ont pas. On paye tous nos voyages 20% moins cher comparé aux Gold. On a des préventes sur tous les Dream Trips, du coup on peut les booker avant les Gold. Et ça nous donne même accès à des Dream Trips exclusivement réservés aux membres Platinum. Vraiment en mode grand luxe pour tous les goûts, toutes les envies, tous les budgets, toutes les destinations. Jusqu'au nouvel an à Miami avec soirée sur yacht privé, etc., etc. Et donc cerise sur le gâteau, le club est entièrement gratuit. Parce qu'au final, si on prend l'exemple d'une salle de sport, qu'on y aille, qu'on n'y aille pas, on paye quand même. Qu'on ait des résultats ou pas, on paye quand même. Là, ce qui est génial, c'est que tout ce qu'on y met nous est rendu sous forme de points. Et ces points, on les déduit de nos voyages, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent. Donc ça revient exactement à mettre de côté sur, par exemple, un livret pour pouvoir se constituer un budget voyage. Et dès qu'on souhaite voyager, on utilise ce budget voyage pour pouvoir partir en vacances. Et c'est vraiment ce qui est génial à propos de ce club. Par exemple, Platinum, 300 $ d'entrée. Aujourd'hui même, ils vous rendent 300 points. Si aujourd'hui même vous voulez booker votre premier Dream Trip, eh bien vous avez déjà 300 $ à en déduire. C'est comme si vous aviez prépayé votre voyage. Et par rapport à la mensualité, elle vous est rendue d'un coup d'un bloc chaque année à date anniversaire. Ce qui vous fait un budget de 1 000 € par an. 1 200 $, ça fait à peu près dans les 1 000 € par an de budget voyage. Donc soit vous pouvez faire un beau voyage par an avec ce budget-là, ou alors quelques voyages, si vous avez par exemple 5 semaines de congé dans l'année, sachant que je vous rappelle tous qu'on a 52 week-ends par an. Donc comme vous avez vu avec les Welcome, ce qui est génial, c'est qu'on peut se faire des petits Dream Trips sur un petit week-end ou week-end prolongé, surtout s'il y a un petit jour férié qui passe entre temps, c'est sympa. Et donc partir un week-end à Barcelone, à Lisbonne ou juste à côté, et donc profiter des avantages du club. Et donc c'est vraiment ça le concept du club, c'est-à-dire un club privé, sur invitation, pas de com, pas de pub, et du coup profiter d'avantages tarifaires de base entre 2 à 10 fois moins cher les prix du marché grâce à ce concept qui est quand même plutôt unique et quand même plutôt à notre avantage. En plus de ça, c'est tout ce concept Dream Trip comme on a pu le voir depuis le départ, c'est des hôtels absolument extraordinaires, en couper le souffle, soit qu'on n'aurait jamais pu se payer autrement, soit même qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir se payer un jour. Ces expériences juste uniques et avec des gens aussi extraordinaires que nous. Et en plus de ça, le club qui est gratuit, royal. Et cerise sur le gâteau, dès que vous avez invité 4 amis à vous à rejoindre le club, vous n'avez plus jamais aucune mensualité qui vous est prélevée. Le club est entièrement gratuit pour vous. Donc on vient de voir à l'instant que le club était gratuit, du fait que tout ce qu'on y met de côté nous est rendu chaque année à date anniversaire d'un coup d'un bloc, 1 200 $ versés sous forme de points pour pouvoir voyager. Sauf que si on ne paye plus ces mensualités, ça revient au fait que le club nous offre 1 200 $ par an pour pouvoir voyager. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je n'ai jamais payé mes mensualités, mes cash, je les ai eu en 48 heures parce que des gens qui rêvent de voyager à prix brut, croyez-moi, il y en a énormément. Donc je n'ai jamais payé mes mensualités, mes fameux 99 par mois. Pendant un an, ben, j'ai profité de tous les avantages du club gratuitement. 3 tours du monde grâce au club. Et là, le 5 juin, ils m'ont offert 1 200 $ versés sous forme de points pour pouvoir voyager. Et sachez que là, actuellement, sur la région, c'est déjà le cas de plus de 50 personnes. Et c'est vraiment là qu'on réalise que, avec ou sans nous, avec ou sans les Français, ça fait 11 ans que ça cartonne dans le monde entier. Et donc la seule question à se poser, c'est est-ce que nous aussi on va en profiter, ou est-ce qu'on préfère regarder tous nos amis faire le tour de la planète sans nous et nous envoyer plein de photos avec la bannière You Should Be Here. Et ce qui est super sympa, c'est que dès qu'on va en parler à un ami à nous, au final ça revient à rapporter du chiffre d'affaires au club. Et donc forcément le club souhaite nous remercier, au même titre que par exemple une salle de sport. Et donc comment il nous remercie ? Eh bien sous forme de points. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez inviter un ami, des parents, la famille qui va s'inscrire en platinum dans le club, votre compte va être crédité de 200 points. Et ça se cumule comme ça à l'infini à chaque fois que vous invitez des membres à rejoindre le club. Qui voyage ? Vous savez enfin tout sur cette fameuse petite bannière, il suffit de dire en tout cas merci de votre attention. Et je finirai avec ça, on va dire qu'après avoir vu une telle présentation, il y a 3 catégories de personnes qui se profilent à l'horizon. Les A, les B et les C. Les C, vous n'aimez pas du tout voyager, c'est pas du tout fait pour vous, c'est pas votre truc, il n'y a aucun souci, en tout cas merci d'avoir eu la patience de regarder jusqu'au bout. Les B, vous êtes carrément emballés par le projet, mais vous avez encore quelques questions, vous venez nous voir, on est là pour y répondre. Et les A, c'est en mode, Mélodie, arrête de parler, quand est-ce qu'on part, et on se retrouve sur les plus belles plages du monde. Merci à tous. We'll be right back.